Le coffret par Albert-Émile Sorel. Depuis quelques mois, Lise Thumière avait remarqué que son mari n'était plus le même. Souvent, au milieu d'un entretien, il s'interrompait, tombait dans une méditation silencieuse et s'absorbait en de longues rêveries. Il évitait les regards de sa femme et lorsqu'elle l'interrogeait sur la cause de sa mélancolie, il détournait la conversation. Autrefois, voici 7 ans, lors de son mariage, Raymond était le plus gai des hommes, joli garçon, avec cela doué d'un caractère facile, aimant, et d'un charme personnel, dans ses manières un peu nonchalantes. Aucun ménage n'aurait pu se vanter d'un tel bonheur. L'union la plus parfaite y régnait, et si ce n'est l'absence d'enfant, rien ne manquait à cette félicité. Quel chagrin ou quel événement avait troublé cette paix sereine? Lise s'interrogeait en vin. Tout autre qu'elle n'eût point remarqué les nuances de retenue, la réserve trop polie et cette prévenance excessive qui mettait une sorte de froideur dans les relations coutumières. C'était une petite femme singulière, cette jolie Madame Thumière. Jeune fille déjà, elle avait ses idées bien nettes, ses goûts arrêtés et la résolution inébranlable de ne se marier jamais que par amour. Même après avoir rencontré Raymond, elle avait 17 ans et lui 22 à cette époque. Elle avait déclaré à ses parents que, si elle se sentait un réel plaisir à le voir, elle désirait cependant le mieux connaître avant d'unir sa destinée à la sienne, et pendant une année les jeunes gens, que les circonstances séparaient souvent, échangèrent une correspondance qui les révéla définitivement l'un à l'autre. Raymond, depuis peu, se transformait, elle le sentait bien. Quelle différence avec le fiancé de jadis! Il ne l'aurait point quittée pour de longues heures. Et après une courte absence, sa sollicitude se fût inquiétée. Il avait même été vaguement jaloux et maintenant, il affectait un détachement complet. Il raillait les attentions dont il était l'objet, lui, si simple dans ses manières, si hostile même à la coquetterie masculine. Il prenait soin de sa personne et s'habillait avec une recherche extrême. Lise en aurait le fin mot et délibérément, elle interrogea son mari. « Tu m'aimes toujours ?»« Beaucoup. » »« Plus comme autrefois. » « Mais certainement. Tu aimes quelqu'un d'autre. Quelle folie! Oh, tu ne sais pas me cacher un secret. Tu ne sais pas mentir, j'en suis sûr. Alors ce n'est pas la peine de m'interroger. Tu vois, tu avoues. Je préfère que tu me dises la vérité. Je ne peux pas te dire ce qui n'existe pas. Tu ne veux pas. » Agacé, il se détourna et répondit. « Ma petite Lise, je t'aime infiniment. Mais il y a des choses qu'un homme garde pour lui. Si tu as remarqué que j'étais quelquefois soucieux, que je sortais plus qu'auparavant, rien ne te prouve que ce soit pour mon plaisir. Il peut y avoir une personne en cause qui s'est confiée à moi et que je trahirai en te révélant ce qu'elle me fait promettre de garder pour moi seul. C'est une question d'honneur. Je ne te demanderai rien, moi, si j'étais à ta place, et je respecterai tes scrupules. Respecte les miens et n'en parlons plus. » Un instant, Lise demeura pensive. Puis forçant Raymond à la regarder. « Soit, j'y consens. Toutefois, tu me promets de ton côté de me laisser la même liberté. Tout ce que tu voudras. Merci, je ne t'ennuierai plus. » Pendant plusieurs semaines, l'existence reprit son cours habituel, en apparence du moins. Raymond était trop distrait par ses affaires personnelles pour attacher de l'importance aux attitudes de Lise. Parfois seulement, il remarquait une toilette nouvelle, et s'étonnait du parfum délicat et pénétrant qui émanait de sa chevelure. Sa femme maintenant était parfaite, plus un mot, plus une allusion à leur conversation. Elle se montrait d'une humeur égale et gaie. Elle plaisantait, elle lisait davantage et se moquait de son mari, parce qu'il n'était plus au courant de la vie extérieure, et autrefois il la blâmait tant de son apathie. Raymond s'estimait le plus fortuné des hommes. Par une fin d'après-midi, elle rentra, la chevelure légèrement en désordre, le teint allé par l'air plus vif de la nuit proche. Mignonne, souple, remuante, vêtue avec élégance, elle montra à son mari un objet qu'elle portait sous son bras. « Regarde, dit-elle, regarde ce joli coffret. Je l'avais remarqué chez un antiquaire l'autre jour. Il est très vieux, c'est du Louis XIII authentique. Vois les ferrures, comme elles sont amusantes. Et cette serrure compliquée, je suis ravi. » « Et que veux-tu faire de cet objet ? » interrogea Raymond. Lise ôtait son chapeau devant la glace. Elle se retourna et prononça avec négligence. « Rien. Je le destine à des lettres. »« Quelles lettres ?»« Je devine, » ajouta Raymond avec ironie. « Des lettres d'amour. »« Tu m'as promis de respecter mes secrets. » »« Je les respecte profondément et je n'insiste pas. » De bonne foi, Raymond avait cru que ce coffret ne le préoccuperait guère. Il avait l'esprit distrait par d'autres soucis et d'ailleurs, il savait, à n'en pas douter, que sa femme ne pourrait avoir aucun secret pour lui. Elle l'adorait. Pourtant, en passant dans le boudoir, il voyait toujours le coffret là-bas, sur le guéridon. Il l'examina sans curiosité. Il était clos et la clé n'était pas sur la serrure. Insensiblement, par lassitude, par indifférence, Raymond se détacha du sentiment qui d'abord l'avait attiré vers une autre femme. La vie nomade et double ne convenait pas à son âme romantique et fidèle au fond. Un soir, après une rupture très calme, il revenait à son foyer, le cœur un peu meurtri par ses erreurs et par les regrets qu'il en éprouvait. Cette fois, il était certain de ne plus recommencer. Lise le comprendrait. Il lui expliquerait sa conduite et lui dirait qu'il était simplement léger, mais qu'il n'était pas inconstant. Les circonstances l'avaient entraîné. Il s'était laissé prendre à l'attrait d'une aventure sans importance dont il avait trop vite compris la banalité. Il se rendait compte de l'irrégularité de sa conduite, mais Lise le savait bien, il n'aimait, il n'avait jamais aimé qu'elle. Les excuses lui étaient aisées, il ne les chercherait même pas. N'était-il pas certain qu'avec sa jolie intelligence, si fine, si intuitive, sa femme lui pardonnerait? Un mot, un reproche, peut-être, trahirait mal sa mauvaise humeur fugitive. Puis elle le considérerait avec tendresse, cette tendresse qui lui était si aimable, et leur destinée se poursuivrait plus unie et plus harmonieuse après cette courte expérience. 7 heures. Lise ne rentrait pas. Raymond, impatienté, arpenta l'appartement, interrogea la femme de chambre. Il apprit que Lise était sortie depuis 4 heures de l'après-midi, ainsi qu'elle avait coutume de le faire. Raymond s'irrita et, pour ne pas montrer son tourment, il s'enferma dans le boudoir de sa femme. Les premiers temps de leur mariage, elle l'y attendait chaque soir. Ils avaient vécu là, dans cet air légèrement embaumé par un parfum subtil de fleurs méridionales, les heures les plus exquises de leur intimité. Elle enterre sa mémoire. En vérité, Lise était délicieuse, mais oui, délicieuse. Quelle folie avait poussé Raymond à l'oublier quelques mois. Il se rappelait les détails ravissants de sa personne et les grâces pures de ce visage. Depuis peu, elle avait encore embelli. Raymond avait comparé le méchant caprice auquel il avait cédé au charme plus rare de leur union. C'est pour cela qu'il retournait à Lise. Hier encore, elle portait une toilette qui lui seyait à ravir, et il n'avait pas osé le lui dire, car il se sentait piteux. Ce soir, il n'hésiterait pas, mais ce soir, elle était sortie. Et soudain, les yeux de Raymond tombèrent sur le coffret. Les ferrures brillaient un peu, en reflétant les lumières du boudoir. Ses regards le fixèrent avec obstination. Il contenait des lettres. Quelles lettres? Celles qu'il avait écrites à sa fiancée autrefois. Évidemment, pensée touchante. 7h30. Lise portait une robe très élégante. Où se rendait-elle ainsi? Que signifiaient ces absences mystérieuses? Une idée traversa l'esprit de Raymond, une idée insensée. Il la repoussa avec horreur. Elle heurta de nouveau sa fantaisie, elle la tracassa. Allons donc, il perdait la raison. Néanmoins, il se souvenait des attitudes de sa femme, de ses retours fiévreux, de ses silences, de ses mélancolies. Si c'était vrai, si Lise s'était vengée. Il s'aperçut soudain que la clé était restée sur le coffret. Elle le fascinait, elle l'attirait. Raymond passa la main sur son front pour chasser un fantôme. Que lui importait après tout ce coffret et ce qu'il pouvait contenir? Pourtant, si vraiment, Lise avait trop souffert, s'il trouvait là une preuve de sa trahison. Allait-il devenir jaloux, lui? Il se leva, marcha de long en large et s'arrêta de nouveau devant le coffret. En somme, il avait le droit, il avait le devoir de constater la trahison. Lise portait son nom, elle avait oublié la clé, pour le tenter, peut-être. Tant pis, il en aurait le cœur net. La serrure grinça avec une vilaine voix de reproche. Il souleva le couvercle. Il ne vit que des cendres. Ses mains fiévreuses les remuèrent, les retournèrent, les fouillèrent. Quelques poussières s'étaient collées à ses doigts. Il les secoua et demeura concerné. Lise, elle, sa petite Lise. Il éprouva moins de colère que de tristesse. Et soudain, il tomba sur un fauteuil près du guéridon et se mit à pleurer. Un parfum léger l'enveloppa, sans qu'il sût d'où il émanait. Des lèvres fraîches se posèrent sur son front. Il leva les yeux. Lise, debout à ses côtés, souriait de son sourire le plus candide et le considérait avec des yeux éclairés par une ferveur qu'il ne leur connaissait pas. « Enfin, soupira-t-elle, enfin. » Raymond voulut parler. Il balbutia des paroles étouffées par des sanglots, mais elle l'arrêta par un geste consolant et infiniment tendre. Puis elle lui dit « Enfin, je te trouve, Raymond. Je te trouve ici, à cette place. » Le visage baigné de larmes et le cœur angoissé. Tu m'aimes donc encore? Si tu savais, mon cher mari, avec quelle constante patience j'épiais cette minute. Car j'ai tout essayé pour en hâter la venue. Et tu paraissais ne pas me comprendre. Écoute, j'ai su que tu ne pensais plus à moi. Tu me négligeais. Fallait-il t'importuner par mes plaintes ou te chagriner par mes reproches? Tu m'abandonnais et tu m'aurais prise en horreur. Je connais ton âme, et j'ai préféré attendre. Tu me laissais libre d'agir selon mes caprices. J'ai suivi ton conseil. Chaque jour, je me suis astreinte à sortir, à ne rentrer que tard, et peu à peu, avec des battements de cœur, j'ai constaté que le mystère dont je m'entourais offrait une curiosité croissante à ton esprit. Je t'ai voulu jaloux, ombrageux, puis repentant sans humilité. Tu t'imaginais que je t'attendrais à la maison comme une Pénélope tenace et que j'aurais de l'amertume de ton abandon? Eh bien, j'ai désiré te faire sentir le danger auquel tu t'exposais. Mon cher mari, tu m'as causé quelquefois beaucoup de chagrin, mais je te dois les plus caressantes espérances. Lorsque tu t'approchais de ce guéridon, elles s'éveillaient une à une et maintenant, je suis récompensé puisque tu pleures. Mais ce coffret, ses cendres, murmura Raymond. Hélas, mon pauvre ami, reprit-elle, que vous êtes tous les mêmes. Tu te figures que j'ai brûlé des lettres d'amour que m'écrivait un autre. Aurais-je été assez sotte pour m'exposer à souffrir deux fois? Non, je n'en avais pas le courage. Chaque jour, je notais les progrès du sentiment qui t'éloignait de moi. Mais aussi, chaque jour, où j'en constatais le déclin, je brûlais l'un de mes feuillets. Tandis que ton caprice se consumait, je détruisais ma peine, et voici les cendres du passé. Raymond l'interrogea d'un regard chargé d'anxiété. « C'est vrai, c'est bien vrai ce que tu me dis là. » Elle jeta les bras autour de son cou. « Je te le jure, » prononça-t-elle. Ses yeux étaient limpides. Son visage était embelli par la plus exclusive passion. Raymond se pencha sur les mains de sa femme et les ayant baisées, il soupira. « Oh, que j'ai eu peur, mon Dieu! Que j'ai eu peur, Lise, ma chère petite Lise !» C'était Le coffret par Albert-Émile Sorel.